son énergie dans les moments critiques. On le vit souvent rétablir seul sa ligne de bataille qui pliait, se jeter au-devant des fuyards, les arrêter un à un, et les prendre à la gorge pour les tourner vers l'ennemi. Et cependant, ils étaient quelquefois si effrayés qu'un porte-aigle, qui l'arrêta ainsi, le menaça de son glaive, et qu'un autre, dont il avait saisi l'étendard, le lui laissa dans les mains.